Un dimanche d'avril 1917, comme cela nous arrivait souvent, nous prîmes le train pour La Varenne, d'où nous devions nous rendre à pied à Ormesson. Mon père me dit que nous retrouverions à La Varenne des gens agréables, les Grangiers. Je les connaissais pour avoir vu le nom de leur fille, Marthe, âgée 18 ans, dans le catalogue d'une exposition de peinture. Marthe était malade. Son père aurait voulu lui faire une surprise, que ses aquarelles figuraient dans une exposition de charité dont ma mère était présidente. Sur le quai de la gare de La Varenne, les Grangiers nous attendaient. Monsieur et Madame Grangier devaient être du même âge, approchant de la cinquantaine. Mais Madame Grangier paraissait l'aînée de son mari. Son inélégance, sa taille courte, firent qu'elle me déplut au premier coup d'œil. Le père, lui, avait l'air d'un brave homme, ancien sous-officier, adoré de ses soldats. Mais où était Marthe? Je tremblais à la perspective d'une promenade sans autre compagnie que celle de ses parents. Elle devait venir par le prochain train. Quand le train entra en gare, Marthe était debout sur le marchepied du wagon. « Attends bien que le train s'arrête !» lui cria sa mère. Cette imprudente me charma. Sa robe, son chapeau très simple, prouvaient son peu d'estime pour l'opinion des inconnus. Elle donnait la main à un petit garçon qui paraissait avoir 11 ans. C'était son frère, enfant pâle, aux cheveux d'albinos et dont tous les gestes trahissaient la maladie. Sur la route, Marthe et moi marchions en tête. Mon père marchait derrière, entre les Grangiers. Comme je complaisantais Marthe sur ses aquarelles, elle me répondit modestement que c'était les études. Elle n'y attachait aucune importance. Elle me montrerait mieux des fleurs stylisées. Je jugeai bon pour la première fois de ne pas lui dire que je trouvais ces sortes de fleurs ridicules. Sous son chapeau, elle ne pouvait bien me voir. Moi, je l'observais. « Vous ressemblez peu à madame votre mère, lui dis-je. » C'était un madrigal. On me le dit quelquefois. Mais quand vous viendrez à la maison, je vous montrerai des photographies de maman lorsqu'elle était jeune. Je lui ressemble beaucoup. Je fus attristé de cette réponse et je priai Dieu de ne point voir Marthe quand elle aurait l'âge de sa mère. J'essayai de deviner ses goûts en littérature. Je fus heureux qu'elle connût Baudelaire et Verlaine, charmé de la façon dont elle aimait Baudelaire, qui n'était pourtant pas la mienne. J'y discernais une révolte. Ses parents avaient fini par admettre ses goûts. Son fiancé, dans ses lettres, lui parlait de ce qu'il lisait, et s'il lui conseillait certains livres, il lui en défendait d'autres. Il lui avait défendu les fleurs du mal. Désagréablement surpris d'apprendre qu'elle était fiancée, je me réjouis de savoir qu'elle désobéissait à un soldat assez nigaud pour craindre Baudelaire. Je fus heureux de sentir qu'il devait souvent choquer Marthe. Son fiancé lui avait aussi défendu les académies de dessin. Moi, qui n'y allais jamais, je lui proposais de lui conduire, ajoutant que j'y travaillais souvent. Mais craignant ensuite que mon mensonge fût découvert, je la priai de n'en point parler à mon père, car je ne voulais pas qu'elle pût se figurer que je cachais l'académie mes parents, parce qu'ils me défendaient de voir des femmes nues. J'étais heureux qu'il se fît un secret entre nous, et moi, timide, me sentais déjà tyrannique avec elle. Nous nous assîmes dans les prairies d'Ormesson. Marthe ne m'intimide pas, me répétais-je. Donc, seul, ses parents et mon père m'empêchent de me pencher sur son cou et de l'embrasser. Profondément en moi, un autre garçon se félicitait de ces troubles faits. Celui-ci pensait : quelle chance que je ne me trouve pas seul avec elle, car je n'oserais pas davantage l'embrasser et n'aurais aucune excuse. Ainsi triche le timide. Nous reprenions le train à la gare de Sucy. Ayant une bonne demi-heure à l'attendre, nous nous assîmes à la terrasse d'un café. Je dus subir les compliments de Madame Grangier. Il m'humiliait. Il rappelait à sa fille que je n'étais encore qu'un lycéen, qui passerait son baccalauréat dans 1 an. Marthe voulut boire de la grenadine. J'en commandai aussi. Le matin encore, je me serais cru déshonoré en buvant de la grenadine. Mon père n'y comprenait rien. Il me laissait toujours servir des apéritifs. Je tremblais qu'il ne plaisantât sur ma sagesse. Il le fit, mais à mot couvert, de façon que Marthe ne devina pas que je buvais de la grenadine pour faire comme elle. Arrivé à F, point de suspension, nous dîmes adieu au Grangier. Je promis à Marthe de lui porter, le jeudi suivant, la collection de mon journal préféré, Le Mot, et Une saison en enfer. Encore un titre qui plairait à mon fiancé. Elle riait. « Voyons, Marthe, » dit, fronçant les sourcils sa mère, qu'une telle marque de soumission choquait toujours. Mon père et mes frères s'étaient ennuyés, qu'importe. Le bonheur est égoïste.